midnight and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed. La numéro 4, la peur. Numéro 5, la colère. Non, oh. Nun bist du mir auf ewig entrissen. Dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater! Dein Vater! Émotion numéro 6, le dégoût. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. J'suis parti, squat plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. J'fais des doigts d'honneur au Schmitt. Faut voir que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'y donne. Oh, même plus j'm'étonne. Oh, et si mon heure sonne. Oh, on pleure pas, rigole. Oh, l'OVNI. J'ai ma team pour ça, j'm'en tape la pomme. L'OVNI. J'ai la rime, j'peux y arriver, ça serait l'OVNI. Beau. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Gray parle de moi, il me casse les couilles. J'suis dans l'insomnie. J'suis dans l'insomnie. J'sais même plus, eh ouais mec, on parle plus. Ils jalouse, on a le truc, j'les comprends pas, faut que j'parle. Trop d'attente, peut-être que j'sors trop d'albums. J'sais pas, j'trouve ça son match, tu me dis c'est la bombe. Regarde, j'fais comme j'peux, je ne sais pas dire, non, c'est fini. Nous aurons plus, c'est trop loin que nous visons. Une critique, oh le bâtard, que une chaîne 9, il s'attarde. Eh ouais, fais le signe, je le sens pas quand tu dis le radar. L'OVNI. La galère, oui, on l'a connu. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on roule. L'OVNI. Viens de Hemen, j'te donne un faux num. L'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. L'OVNI. Parle de moi, il me casse les couilles. J'suis dans l'insomnie. J'suis dans l'insomnie.